9. La copie privée, un droit à la culture. Lu par François Chenel. La copie privée, un droit à la culture? L'exception pour copie privée est l'une des exceptions fondamentales du droit d'auteur. Elle revient sans cesse dans l'actualité, à chaque fois au centre de polémiques violentes, opposant éditeurs de livres aux producteurs de musique, au public. Que dit la loi? Qu'une fois son œuvre divulguée, l'auteur ne peut interdire, je cite, « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Ainsi, l'ode à la copie est sans ambiguïté. Oui, il est légal de photocopier le chapitre d'un livre. Tout aussi licite d'enregistrer sur cassette VHS un film passant à la télévision, comme il est autorisé de dupliquer le dernier Madonna. Une seule condition, que la copie soit réservée à l'usage privé du copiste. Il faut être très clair, la loi ne dit rien sur la source de la copie, et celle-ci peut provenir d'une bibliothèque ou d'une discothèque. Autrement dit, il est même légal d'emprunter le CD d'un ami pour le copier soi-même. Nombre de juristes estiment aussi que télécharger une œuvre protégée par le droit d'auteur sur un site illégal s'inscrit dans ce champ. C'est bien la mise à disposition de l'œuvre qui est interdite, pas la copie. Mettre sur un site web ouvert à tous le texte complet du dernier opus de Finkielkraut est interdit. Le télécharger, non. Tout comme offrir un CD copié vous renvoie directement dans le camp des pirates. C'est le « à chacun selon ses besoins communiste version reprographie », tout un chacun peut copier du moment qu'il s'agit de satisfaire son propre appétit de culture ou de connaissance. À force de culpabiliser les pseudo-pirates ou de tenser les photocopieurs que nous serions tous, les plus tonitruants des ayants droit ont fini par rendre illisible ce principe. L'immense majorité des gens finit par se croire petit contrefacteur de bas étage, alors même qu'il ne fait rien de répréhensible, au contraire, il s'agit là de profiter d'un embryon de droit d'accès à la culture et à la connaissance, sans péage, sans barrière financière, ouvert à tous. N'est-ce pas là le plus bel exemple que l'on puisse trouver d'une exception culturelle en acte? Ne soyons pas naïfs pour autant. La loi française ne fait nulle mention d'un droit d'accès au savoir ou à la culture. Le système que l'on vient de décrire n'est que le résultat d'un empilement de textes de loi, de technologies, de compromis. La copie privée demeure très mal acceptée par nombre d'éditeurs et de producteurs qui ne cessent de rappeler que c'est une exception, pas un droit, une tolérance, pas un acquis. Et l'offensive contre son existence est constante depuis plusieurs années. Elle semble même porter ses fruits puisqu'en 2004, un projet de loi entend rayer la copie privée du droit français, au moins dans les faits.